Section 55 de Le mari de Charlotte par Hector Malot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Deuxième partie, chapitre 24. Charlotte avait été surprise par les premières paroles de Georges. Tout d'abord, elle avait voulu croire qu'elle ne les comprenait pas et qu'elle se laissait encore aller à des inquiétudes que rien ne justifiait. Mais il n'y avait plus d'illusion à se faire. Ses inquiétudes n'étaient pas fausses. Le danger qu'elle avait vaguement redouté venait d'éclater. Georges ne lui donna pas le temps de la réflexion. « Si vous avez cru à un malentendu en ne trouvant pas notre cocher, dit-il, vous vous êtes trompé. C'est moi qui l'ai renvoyé à Versailles, afin de me ménager cette promenade avec vous et cet entretien. Vous voyez que je suis franc. Ce n'est pas votre franchise que je demande, que j'implore. C'est votre pitié. Ne sentez-vous pas qu'il est impossible que je vous entende ? Je ne le peux pas. « Je ne le veux pas !» Elle prononça ces derniers mots avec une résolution désespérée, mais Georges ne se laissa pas toucher. « Vous ne voulez pas » reprit-il. « Et comment m'empêcherez-vous de parler ? Comment m'empêcherez-vous de vous dire tout ce que j'ai à vous dire, quand moi je veux parler et tout dire ? Qui vous viendra en aide pour m'imposer silence au milieu de ces bois déserts, quand vous êtes à moi, quand je n'ai qu'à étendre la main pour vous prendre dans mes bras ?» Instinctivement, elle recula. Il ne fit rien pour la retenir. « Vous êtes si bien à moi, dit-il, que je n'étends même pas cette main qui vous effraie en ce moment. Chez vous, oui, vous auriez pu m'échapper si je vous avais parlé comme je vous parle. Vous l'auriez voulu, vous l'auriez tenté, et voilà précisément pourquoi je ne vous ai pas parlé chez vous. Voilà pourquoi j'ai attendu mon heure et j'ai choisi mon lieu. Me décidant à rompre un silence qui m'étouffe, il fallait que quand j'aurais commencé, je fusse certain de pouvoir aller jusqu'au bout. J'ai cette certitude. Rien ne m'arrêtera. Pas même mes prières ? À vos prières, demandant que je me taise, je poserai mes prières pour vous demander de parler, et nous resterions ainsi en face l'un de l'autre. Comprenez donc que si je me suis décidé à vous amener ici, c'est que rien ne peut me faire abandonner ma résolution. Il y a 3 semaines, revenant de Vélizy et traversant ces bois en pensant à vous, comme toujours, je me suis dit que si je vous avais là, près de moi, je pourrais vous contraindre à cet entretien que je veux depuis plusieurs mois. Alors je n'ai plus cherché qu'une occasion pour amener cette promenade et ce tête-à-tête. Vous-même me l'avez offerte. « Ah, c'est infâme ! » s'écria-t-elle. « Dans les circonstances présentes, vos paroles sont une trahison. » « Ne parlons pas de trahison, car si nous étions devant des juges, le premier qui pourrait en être accusé, ce ne serait pas moi. » Ce serait celui qui, profitant d'une amitié trop confiante, s'est fait aimer d'une femme qui n'était pas libre. Vous me comprenez, Charlotte. Et vous ne parlerez plus de trahison, car si vous insistiez sur ce mot, je vous dirais que la mienne, si trahison il y a, n'est qu'une revanche. Elle baissa la tête, il poursuivit. Je savais quelle résistance je rencontrerais en vous, et voilà pourquoi j'ai voulu avoir le temps de les vaincre sans que vous me fermiez la bouche. Je vous aime, Charlotte. À ce mot, elle tendit vers lui ses mains suppliantes, mais il continua. « Je vous aime, et l'heure est venue de vous dire que je n'ai jamais cessé de vous aimer. Pourquoi m'avez-vous écrit cette lettre ? Pourquoi avez-vous quitté la crique ? » dit-elle. « Vous me posez précisément les questions auxquelles je veux répondre, et pour lesquelles doit commencer cette explication qui va décider notre vie à tous deux. » Alors il la prit de nouveau par la main, et presque de force, il l'obligea à s'asseoir. Elle tournait ainsi le dos à la lumière de la lune, et son visage se trouvait noyé dans l'ombre, tandis que celui de Georges était éclairé en plein. « Regardez-moi bien en face, dit-il, en reculant de quelques pas, et voyez dans mes yeux si je ne parle pas avec sincérité. » Elle était profondément troublée, éperdue, tremblante. Bien évidemment, elle ne pouvait pas échapper à cet entretien. Il fallait qu'elle entendît tout ce qu'il voudrait dire. « Que dirait-il ? Au mot « je vous aime », elle avait senti un anéantissement de sa volonté. Un frisson l'avait agitée depuis la tête jusqu'aux pieds, et elle était presque défaillante lorsqu'il l'avait forcée à s'asseoir. « Pourquoi vous ai-je écrit » dit-il. « Pourquoi ai-je quitté la crique ? Voilà ce que je dois vous expliquer. Mon explication sera des plus simples. Elle tiendra dans 2 mots. Pour vous, pour votre repos, Charlotte. »« Mon repos ?» Vous voulez dire qu'au lieu d'assurer votre repos, j'ai failli vous tuer. Cela est vrai, et connaissant votre tendresse, votre amour. Mon Dieu ! S'écria-t-elle en se cachant la tête entre les mains. sachant quelle était votre fidélité en la parole donnée. J'aurais dû prévoir l'effet que produirait cette lettre et ce départ. Là est ma faute, là est mon crime. Maintenant que je les ai confessés, laissez-moi vous dire comment j'ai été amené à les commettre. Quels étaient les sentiments de votre père pour moi? Vous les connaissez. Je n'ai point à vous en parler. Mon oncle me jugeait en vertu de certains préjugés, et il me condamnait avec une sévérité égale à son injustice. » Elle leva la main. « Ah, ne craignez rien, je ne veux pas accuser sa mémoire, et ce n'est pas dans ma bouche que vous trouverez un mot de blâme contre lui. Mais enfin, il faut bien que je rappelle la façon dont il me traitait. Prêt à devenir votre mari, c'est-à-dire le fils de votre père, je me suis demandé quelle influence ces sentiments hostiles auraient sur notre vie, à tous les trois, la sienne, la vôtre, la mienne. J'ai craint de faire votre malheur et en même temps de faire celui de votre père. Quelles n'eussent pas été nos souffrances dans une lutte entre lui et moi. Quelles n'eussent pas été les siennes. Et cette lutte, vous le savez comme moi, n'aurait assurément pas pu être évitée, même au prix des plus grandes concessions de ma part. Ah, certes, je vous aimais tendrement, et c'est la puissance même de mon amour, c'est son désintéressement qui a fait passer la considération de votre repos avant la satisfaction de ma passion. » Il se tut en proie à une émotion qui faisait trembler sa voix, mais bien vite, et avant que Charlotte pût se remettre, il continua. « En même temps, et d'un autre côté, un mariage que je croyais avantageux et par la fortune et par les qualités que vous apportait celui qui vous aimait, se présentait pour vous. Je devais me décider. Longuement, je balançais cette décision. Et vous ne saurez jamais par quelles angoisses j'ai passé pendant les derniers temps de mon séjour à la crique. Enfin, j'arrêtais dans ma conscience que je devais me sacrifier à la tranquillité de votre père et à votre propre repos. Je vous écrivis et je partis. Quelle lettre à écrire! Quel départ à accomplir! Enfin, poussé par la conviction que j'assurais les dernières années de l'homme que j'aimais comme un père, je partis. Oh, si j'avais su alors que ces années que je croyais devoir être longues ne seraient que 2 semaines. Mais qui pouvait prévoir ces 2 catastrophes si précipitées, la mort de votre père et votre mariage? Allez à la crique, Charlotte, et demandez à Martin et à Barbe si les larmes emplissaient mes yeux et si ma voix tremblait quand j'ai couru en Bretagne. De nouveau l'émotion l'arrêta, et pendant quelques minutes ils restèrent en face l'un de l'autre, silencieux, Charlotte les yeux baissés, la respiration oppressée, Georges penché sur elle, la regardant. Enfin il reprit. « Je me jetai dans le travail pour ne pas m'abandonner à ma douleur, et la vie politique m'occupa. Les circonstances, le hasard, si l'on veut une bonne chance, me donnèrent des succès qui auraient pu distraire ou consoler un cœur moins profondément atteint. Mais je ne vous oubliais point. Combien de fois, quand on me croyait absorbé dans le travail, n'étais-je pas au contraire de cœur et d'esprit avec vous? Je me demandais où vous étiez, je vous suivais dans vos voyages. La première fois que j'ai parlé et que j'ai entendu des applaudissements, où croyez-vous que mes regards se soient portés? Sur ceux qui m'applaudissaient? Non, mais sur la tribune réservée au public. Bien que mon esprit sût parfaitement que vous n'étiez pas là, mon cœur vous cherchait. Il m'a manqué alors cette joie suprême que donne le regard attendri de la femme aimée quand elle vous dit « Je suis fière de toi ». Personne n'a été fier de moi, personne ne m'aimait. De là mon attitude qui fait dire à mes ennemis que je ne suis qu'un ambitieux et que je n'ai ni cœur ni entrailles. Mais qu'importe ce que disent ennemis ou amis, ce n'est ni des uns ni des autres que j'ai souci. Enfin, vous êtes revenu en France, j'ai pu vous revoir, je ne sais quelles ont été alors vos impressions. Il fit une pause, comme s'il attendait qu'elle parlât, mais elle garda le silence. « Pour moi, reprit-il, j'ai senti une nouvelle fois, avec une terrible intensité, combien était profonde ma passion. Cependant, je me suis éloigné de vous, et j'ai voulu me sacrifier encore à votre repos. Mais des circonstances sont venues de nouveau pour nous rapprocher, et dans des conditions où il n'était plus possible d'imposer silence à mon amour. Cependant, par respect pour vous, j'ai fait cet effort suprême de me taire. Et pendant plusieurs mois, j'ai vécu près de vous, sans qu'un mot, sans qu'un regard, vinssent rappeler le passé. Est-ce vrai, cela ? Sans répondre, elle inclina la tête. « Eh bien, cet effort, je ne puis plus le continuer. Est-ce parce que le courage me manque ? Non, mais parce que l'espérance m'est venue. » Leurs regards se rencontrèrent, et comme ils restaient liés l'un à l'autre, elle se cacha le visage. « Oui, l'espérance, dit-il, quand j'ai compris, quand j'ai senti que vous m'aimiez toujours, que vous n'aviez jamais cessé de m'aimer. « Ce n'est pas vrai, dit-elle. Celui que j'aime, c'est mon mari, vous le savez bien. Vous me l'avez dit 20 fois, non parce que cela était vrai, mais parce que vous vouliez me le faire croire, et que vous vouliez le croire vous-même. Mensonge, Charlotte. Pour votre mari, vous avez de la compassion, de la tendresse, de l'amitié, un dévouement qui irait jusqu'à donner votre vie pour lui. Mais celui que vous aimez, précisément parce que vous êtes une âme fidèle, c'est celui qui le premier vous a parlé d'amour. C'est moi, Charlotte, et vous m'aimez comme je vous aime. Si je pouvais ouvrir votre cœur, j'y lirais, en caractères qui n'ont pas parlé, les impressions et les sentiments qui ont rempli mes années de jeunesse. Rien de ce qui s'est passé depuis n'a pu les effacer, et c'est parce que le souvenir les lit et les répète toujours que vous êtes à moi, malgré vos efforts pour m'échapper. Ces efforts même ne sont-ils pas un aveu ? Vous voulez résister, mais vous ne le pouvez pas. Si vous l'aviez pu, est-ce que vous auriez consenti à me recevoir tous les soirs ? Si vous l'aviez pu, est-ce que vous m'auriez écouté ? Si vous pouviez, est-ce que vous me laisseriez parler en ce moment ? Vous souffrez de votre faiblesse, vous vous en indignez, mais vous ne pouvez vous y soustraire, parce que votre amour est plus puissant que vous, et parce que contre lui vous êtes sans force. C'est lui qui vous retient là, tremblante et paralysée devant moi. Et c'est lui aussi qui me jette à vos genoux. » En parlant, il s'était insensiblement rapproché d'elle, et penché sur son front, il la brûlait de son haleine. Il s'agenouilla devant elle, et comme elle étendait les mains pour le repousser, il l'enlaça. Elle voulut se dégager, elle voulut parler, mais il lui ferma les lèvres par un baiser, et il sentit qu'elle fléchissait dans ses bras. Fin de la section 55.